You're listening to Roy Audio Tunes. Roy Audio Tunes. Vividi, vidi, vici. Je me suis battu, je me bats et je me battrai encore. Vividi, vidi, vici. J'ai combattu et je suis hâte, je n'ai pas fini dans le décor. Vividi, vidi, vici. J'ai survécu à tous ces putes, survécu à tous ces porcs. Vividi, vidi, vici. Je me suis battu, je me bats et je me battrai encore. Je me suis battu, je me bats et je me rebattrai. Le passé m'a déçu, mais dessus je tire un gros trait. J'étais tout en dessous, là je commence à remonter. Sans essayer de m'enculer, mais j'ai jamais donné marée. Sur le tableau des vainqueurs, j'inscris mon nom à la craie. L'alcool m'a noyé le moteur, mais c'était pour mieux démarrer. La vie une tour à gravir, je suis au sous-sol sans ascenseur. Oui, je veux réussir, mais sans mentir et sans sucer. Pour l'instant c'est pas le succès, mais je reste optimiste et sensé. Je veux juste qu'on écoute mon son, je ne donne pas de leçons. J'ai des choses à dire, j'aime quand ça passe par ton caisson. Demande à mettre mes disciplines et moi j'ai pas encaissé. Je me suis battu, je me bats et je te remettrai la fessée. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, personne ne m'aura baisé. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Vividi, vidi, vici. Je me suis battu, je me bats et je me battrai encore. Vividi, vidi, vici. J'ai combattu et je suis hâte, je n'ai pas fini dans le décor. Vividi, vidi, vici. J'ai survécu à tous ces putes, survécu à tous ces porcs. Vividi, vidi, vici. Je me suis battu, je me bats et je me battrai encore. Vividi, vidi, vici. Vividi, vidi, vici. Je me suis battu, je me bats et je me battrai encore. J'ai jamais donné mon cul, jamais trahi un frère. Jamais je ferai le faux cul et ni c'est où il reste vrai. Je suis là, je ne lâcherai plus, même si des fois je suis pas trop frais. Dans la rue je marche toujours, la tête haute. Je la garde froide et ma bite garde la capote. Je suis arrivé jusqu'ici, il ne faut pas que je capote. Non, il ne faut pas, non, non. Il ne faut pas, non. Non, faut pas que je rentre les armes, non. Surtout pas maintenant, non. J'ai trop perdu de temps, non. Faut plus que je pense à avant. Je suis celui qui a dit non. Qui est venu, qui a vaincu. À tous ces cons, j'ai survécu. J'ai survécu à tous ces putes. Je suis celui qui a dit non. Qui est venu, qui a vaincu. À tous ces cons, j'ai survécu. J'ai survécu à tous ces putes. Il faut savoir tourner la page. Dans la vie, il faut un but. Le plus dur, c'est l'atterrissage. Non, ce n'est pas la chute. Nividi, vidi, vici. Je me suis battu, je me et je me battrai encore. Nividi, vidi, vici. J'ai combattu et je suis hâte, je n'ai pas fini dans le décor. Nividi, vidi, vici. J'ai survécu à tous ces putes, survécu à tous ces porcs. Nividi, vidi, vici. Je me suis battu, je me bats et je me battrai encore. Vividi, vici. Moi je suis venu ici, d'où je viens, je le sais. Où je vais, j'en sais rien. Vividi, vici. J'ai vu trop de conneries, des fois j'aimerais être aveugle pour ne pas voir ces saloperies. Vividi, vici. Mais j'ai vaincu mes ennemis, je suis déjà tombé si bas, mais je me relève à l'infini. Initio est venu, il a vu, il a vaincu. Initio est venu, il a vu, il a vaincu. Nividi, vidi, vici. Nividi, vidi, vici. Nividi, vidi, vici. Nividi, vidi, vici.